إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans cette explication d'une conférence du Cheikh Mohamed Ramzan Al-Hajiri. C'est la deuxième partie maintenant qu'on va expliquer, inshallah. Et donc, on était en train d'expliquer, à la fin du dernier cours, les catégories de fitan qui peuvent atteindre une personne dans sa religion et qui peuvent l'empêcher parfois d'adopter la voie de la clarté et la voie droite, la voie claire. Donc, on continue toujours dans cette explication au sujet de la clarté du manhaj, d'être clair dans notre manhaj et des effets de cette clarté dans la propagation de la da'wa. Hein? Le cheikh il dit al-wudouh fi l'istidlal. Fan-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal taraktukum 'ala al-bayda laylaha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Mithl al-bayda hakadha al-wudouh كبياض النهار مهما اشتدت الفتن وأظلمت فإن وضوح منهج النبوة لا يختلف فيه اثنان. لماذا؟ لأنه طريق بين قائم على الدليل الصحيح. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. نعم الكتاب والسنة وضوح في الاستدلال وفي المرجع وفي التحاكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا الوضوح. Donc le cheikh il explique que ce manhaj, cette voie, c'est aussi, ça fait partie de, d'être clair dans la façon dont on se réfère aux preuves pour établir les preuves dans les questions de la religion. Donc al-wudouh fi l'istidlal, hein, la façon dont on utilise les textes pour établir et pour prouver les questions religieuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je vous ai laissé sur une voie qui est claire, hein, sur une voie claire, une voie éclatante. Sa nuit est comparable à son jour. Sa nuit est comparable à son jour. C'est-à-dire que cette voie, elle est tellement claire que nuit comme jour, elle est éclatante, elle est brillante, elle est, on la voit, elle est claire. La yaziru anha illa halik. C'est-à-dire personne ne va s'en détourner, personne ne va dévier de cette voie, excepté qu'il va périr. Et le cheikh, il dit donc, c'est ainsi qu'elle est, la clarté. Elle est comme la clarté du jour. Hein? Peu importe à quel point les fitanes peuvent se multiplier, peu importe comment les fitanes peuvent devenir compliquées et difficiles et dures, peu importe à quel point les ténèbres peuvent devenir épais, hein, eh bien cette voie elle reste toujours claire. Et deux personnes ne peuvent pas diverger au sujet de cette méthodologie et de cette voie. Pourquoi? Parce que c'est une voie qui est établie sur une preuve authentique. Une voie qui est établie sur une preuve authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé deux choses tant que vous allez rester accroché à celle-ci, vous n'allez jamais vous égarer. C'est le livre d'Allah et ma sunna. Le livre d'Allah et ma sunna. Donc c'est une clarté dans les preuves qu'on utilise, des preuves authentiques, et une clarté dans les références qu'on emploie. Hein? Nos références sont claires. Et une clarté dans le fait de retourner à ces fondements-là et à ces preuves-là comme étant la source de jugement. Et les choses sur lesquelles on établit notre hukum, et nos verdicts religieux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 65, dans surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala il jure par lui-même en disant, non, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'aient pris toi comme juge dans toute dispute qui se produit entre eux, puis qu'ils n'aient trouvé en eux-mêmes aucune gêne vis-à-vis du décret que tu as établi, et qu'ils se soumettent de façon entière et complète. Donc ça c'est un exemple de clarté dans la façon dont on se réfère aux preuves et comment on retourne aux références du Coran et de la Sunna. Maintenant, vous allez parfois rencontrer des gens ou certains individus qui disent, par exemple, qu'il ne faut pas parler de certaines questions devant les gens, en particulier devant ce qu'on nomme Al-Awam, c'est-à-dire le commun d'entre les musulmans, les gens du commun qui ne sont pas des étudiants en sciences islamiques. Ils disent qu'il ne faut pas traiter de ces questions de groupe ou de secte ou de divergence ou d'égarement devant eux, parce que ça risque de créer de la confusion ou de les troubler ou de les déranger ou des choses de ce genre. Donc ils disent que pour faire qu'est-ce qui fait partie de la sagesse, c'est de ne pas mentionner ce genre de choses-là en leur présence ou devant eux. Et ça c'est une opinion ou une idée qui est incorrecte d'un certain point de vue, dans le sens que c'est vrai qu'il y a une façon de parler en présence du commun d'entre les musulmans, et qu'il faut leur parler selon ce qu'ils sont capables de comprendre, hein, selon leur niveau. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler du tout des questions de manhaj, et qu'on ne va pas clarifier pour eux la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux, et leur expliquer qui sont les gens de la vérité et qui sont les gens de l'égarement, qui sont les gens de la sunna, qui sont les gens de la bid'a. Mais il y a une façon de le faire, c'est-à-dire qu'il y a une préparation à faire, il y a une éducation à donner, une éducation à établir, pour que lorsqu'on va traiter de ces sujets-là, lorsqu'on va expliquer ces questions-là, les gens vont être capables de les assimiler et de les comprendre, parce qu'on a établi les bases et qu'on les a préparés à comprendre justement ces questions de manhaj et de méthodologie. Mais ce n'est pas de faire comme certaines personnes essaient de prétendre aujourd'hui, qu'il ne faut pas en parler du tout devant eux, comme si c'était quelque chose qu'on devrait cacher de certains d'entre les musulmans. Et ça, c'est une mauvaise compréhension, parce que tous les musulmans ont besoin de connaître la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux, et d'être capable de distinguer entre ceux qui appellent réellement au Coran et à la Sunna et ceux qui appellent à l'égarement et à la bid'a. Hein? Donc ça, c'est très important. Donc il faut commencer par établir les bases pour par la suite être capable de justement faire en sorte que ces gens-là soient capables de comprendre la critique ou les choses de ce genre, et pour qu'ils soient capables de s'écarter de ce qui est mauvais pour eux. Ensuite, il explique le cheikh un point très important. Il dit wal wudu'u ibtila wa lidhalika huwa amrun shaq wa sa'b fa yatakhallafu minhu unasun kathir wa fiha ayyuha as-sunni fa ya ayyuha as-sunni uthbut fa hakadha kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ولو في أبسط الأمور في ظن بعض الناس. Donc le cheikh il explique que le fait de prendre la voie de la clarté et d'être clair, eh bien ça amène des épreuves. Ça fait en sorte que la personne qui choisit cette voie et qui l'adopte, c'est-à-dire cette voie de la clarté, qui est la voie des prophètes, qui est la voie des messagers d'Allah, lorsque tu décides d'emprunter cette voie, eh bien tu vas être mis à l'épreuve. Tu vas avoir beaucoup de difficultés et d'épreuves qui vont se présenter sur ton chemin. C'est pour cette raison-là que c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de lourd, Hein? Et beaucoup de gens préfèrent s'en écarter. Beaucoup de gens préfèrent éviter cette voie de la clarté. Parce que c'est quelque chose qui nécessite d'avoir beaucoup de patience, beaucoup d'endurance, hein, et de persévérance, et qui demande donc une certaine force face à ces difficultés-là. C'est pas n'importe qui a le courage de prendre cette voie. Alors toi, ô le sunni, ô toi qui es sur la sunna, sois ferme. Sois ferme sur cette voie. Parce que c'est ainsi qu'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même dans les choses les plus simples, ou dans les choses qui sont les plus petites, selon l'opinion ou la conception des gens. Il dit « Atarajulun linnabiyya sallallahu alayhi wa sallam liyubaya wa huwa mimman qad uhdira dama fa'idha bihi yanzuru ila rajul wa yanzuru ila sahaba yumnatan wa yusra. فلما كرر ذلك الرجل ثلاثا مد له النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه ثم التفت إلى الصحابة فقال لما لم تقتل الرجل فسكتوا الرجل أقدم للنبي صلى الله عليه وسلم بيده ليبايع وهم يعلمون أنه ممن قد أهدر دمه فقالوا يا رسول الله هل أشرت لنا يعني بعينك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين تعرفون معنى هذا هم يقولون أن يا رسول الله لو أشرت لنا بعينك ما أدري ما يسميها البعض إحنا نسميها عندنا رمزة يعني رمز بعينه أي أشار بطرفه فأغمض واحدة وترك الأخرى فاتحة يعني أعطاهم إشارة أن اصنعوا بالرجل شيء وهذه إشارة خفية واضح؟ هذه الإشارة الخفية ليست من منهاج النبوة فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين انظروا إلى أي درجة الصفاء والنقاء والوضوح وليس التلون. Donc le sheikh il explique, il donne un exemple pour montrer la clarté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wa et dans sa façon d'agir avec les sahaba. Il dit que il y avait un homme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils ont conquis la Mecque et il s'est présenté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui donner l'allégeance, alors que c'est un homme qui devait être exécuté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté devant cet homme en le regardant, et il regardait les sahaba en même temps. Il le regardait et il regardait les sahaba, gauche, droite, comme ça, à gauche et à droite, comme il tournait son regard. Et lorsque personne n'a rien fait, l'homme s'est avancé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a étendu sa main pour donner l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté son allégeance. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers les sahaba et leur a dit « Pourquoi vous ne l'avez pas exécuté ?» Alors les sahaba sont restés silencieux. Hein? L'homme est venu, il a étendu sa main vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, vous avez vu que l'homme est venu, il a étendu sa main. Et il a donné son allégeance. Alors que les sahaba savaient que c'était un homme qui devait être exécuté. Parce qu'il avait apostasié l'islam. Alors, ils ont dit, ô messager d'Allah, pourquoi tu ne nous as pas fait un signe? Hein, avec ton œil. Pourquoi tu ne nous as pas fait un clin d'œil? C'est ça ce qu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba ont dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, pourquoi tu ne nous as pas fait un clin d'œil? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, il ne convient pas à un prophète d'avoir un regard ou un œil traître. Hein? Il ne convient pas à un prophète de faire une trahison de par son œil. Hein? Donc, le cheikh il dit, vous voyez donc, le fait de faire ce qu'on appelle en arabe un ramza, c'est un clin d'œil, hein? Eh bien ça, ça ne fait pas partie du manhaj des prophètes. Même le clin d'œil que tu fais à quelqu'un pour lui donner un signe subtil et secret ou caché, ça, ça ne fait pas partie du manhaj des prophètes. Hein? Donc, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit, il ne convient pas à un prophète de faire une trahison, même avec son œil. Regardez à quel point, regardez à quel degré, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la pureté et la propreté et la clarté et de ne pas faire preuve, hein, de ruse ou bien d'avoir différentes couleurs, de changer de couleur à volonté. Cheikh, il dit ensuite, وإياك وأصحاب التلون وأصحاب الرياح فحيثما كانت الرياح كان كذلك فإن كانت رياح أهل السنة قائمة فهو تجد طرحه طرحا سني يعجبك ما يعجبك في مقاله وتستنكر أحيانا بعض الأشياء لأنها تأتي الرياح من جهة فيها بعض الجيف وهكذا فتشعر أن في هذا الكلام نفس بخلاف الأول لأنهم أصحاب وجوه وأصحاب تلون فإياك والخلوف فالخلوف أو الخلوف كثر لا يريدون من منهاج النبوة والسلف الصالح يريدون منهاج الخلف لا يريدون أن يتبعوا السلف. Donc le cheikh, il explique, il dit, prenez garde aux gens qui, comme on a dit hier, qui changent leur couleur, hein, et qui s'adaptent avec la direction du vent comme des girouettes. Hein. Si le vent souffle dans une direction, ils vont dans cette direction-là. Et si le vent change de direction, ils changent de direction eux aussi. Donc si c'est un vent qui les amène vers la direction de Ahlus Sunnah, hein, et que c'est ce vent-là qui est établi, eh bien là, tu vois qu'il présente et il montre les choses d'une manière qui est en accord avec la sunna et tu vas être, hein, satisfait, tu vas aimer ce qu'il dit dans cette parole-là. Puis parfois tu vas entendre d'autres paroles qui viennent de d'autres directions, de d'autres vents, hein, parce que parfois il est influencé selon les personnes qui sont devant lui. S'il parle devant des gens de Ahlus Sunnah, il va parler d'une manière pour faire plaisir aux gens de Ahlus Sunnah. Il dit des choses qui sont en accord avec l'islam et avec la Sunnah. Mais s'il est devant d'autres personnes, il se laisse influencer et il change son discours pour leur faire plaisir. Donc, il dit, tu vas remarquer ou tu vas ressentir que cette parole qu'il dit devant les autres, elle a une autre, hein, elle a une autre senteur ou une autre, hein, esprit que ce que tu as senti la première fois. Parce que ce sont des gens qui changent de couleur selon l'environnement, comme des caméléons, et qui agissent comme des girouettes. Prenez garde à ces gens-là. Prenez garde à ces gens-là parce qu'ils sont nombreux et ils ne veulent pas suivre la méthodologie des prophètes et la méthodologie des salafs salih. Ils veulent la voie des gens qui sont venus par la suite et qui ont suivi autre que la voie des salafs. Ils ne veulent pas suivre la voie des salafs. Hein? Hier, on a donné des exemples, parmi les exemples des gens qui refusent de suivre la voie des salafs salih, ou bien qui essaient de mettre des choubouhats sur le fait de se dire salafi. Hein? Et parmi ces choubouhats, il y en a d'autres que je n'ai pas mentionnés hier, c'est de dire qu'on ne peut pas se dire salafi, selon certains, parmi les gens qui, justement, parmi cette nouvelle da'wa qui commence à se propager, Allah al-Musta'an, et qui commence à dire, on ne peut pas se dire salafi parce qu'ils disent supposément qu'on n'a pas le khuluq des salafs. Donc parce qu'on n'a pas le khuluq des salafs, on n'a pas le droit de se dire salafi. Donc selon ces gens-là, qu'est-ce qu'ils pensent? Ça veut dire que si tu te dis salafi, ça veut dire pour eux il faut que tu aies le même khuluq 100% comme le khuluq des salafs. Donc ça veut dire que selon ce qu'ils disent ces gens-là, tu ne dois pas te dire musulman non plus. Parce que tu n'as pas non plus le comportement 100% d'un musulman. Et tu ne dois pas non plus te dire sunni, parce que tu n'as pas non plus la sunna en toi à 100%. Hein? Donc ça c'est des gens qui n'ont rien compris de ce que signifie la salafia. Et qui jettent ce genre de choubouhat pour égarer les gens, pour les éloigner, hein, de se rallier, de s'apparenter à la voie des salaf al-salih. Parce que d'être salafi, avant tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu suis le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf, selon leur méthodologie, premièrement dans la aqidah. Donc que ta aqidah est la même que leur aqidah. Que leur ibadat, leur façon de faire les ibadat, c'est basé sur la Sunna, pas sur des innovations. Hein? Ta aqidah, c'est la aqidah des salaf. Tu rejettes les bid'ah dans la aqidah. Tu rejettes les bid'ah dans les adorations. Tu rejettes les bid'ah dans les paroles et les actions. Et dans toutes tes façons d'agir. Maintenant, tu peux être un bon musulman salafi qui fait des efforts et qui corrige son khuluq et qui a atteint un niveau de perfectionnement dans sa foi. Et tu peux aussi être un musulman qui suit la voie des salafs, mais qui a des manquements dans sa foi, dans sa religion, dans sa pratique, qui fait certains péchés, qui demande pardon à Allah. Mais n'empêche que ta voie, c'est la voie des salafs. C'est pas la même que la voie des gens de bid'a. Hein? Donc, parmi les croyants, parmi les gens qui sont sur la voie des salafs, il y en a qui font du tort à eux-mêmes, comme Allah dit, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Fatir, il divise les croyants en disant, parmi eux, il y en a qui se font du tort à eux-mêmes, et il y en a d'autres qui sont muqtasidun, ça veut dire ils s'écartent de ce qui est haram, et ils font ce qui est wajib, mais ils font pas plus. Et parmi eux, il y en a qui dépassent tous les autres dans le bien, par la permission d'Allah. Hein? Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin du verset, il dit, jannatu adnin yadkhulunaha. Ils vont tous rentrer au paradis. Parce que ce sont les gens qui sont sur le tawhid, qui sont sur la sunna et la compréhension des salafs dans leur pratique et dans leur religion. Donc le fait que quelqu'un, par exemple, ait les bonnes bases, et la bonne compréhension de l'islam et la compréhension des salafs, mais qu'il ait des manquements ou des faiblesses ou des choses comme ça dans son khuluq, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas salafi. Celui qui a compris de cette manière-là, c'est parce qu'il n'a pas compris la salafia à la base. Et il jette des choubouhats pour mélanger les gens. D'accord? D'autres également, et Ali, subhanallah, il mélange comme ça aussi, sur différents points, mais on va y revenir parce qu'il y a beaucoup d'exemples à donner et beaucoup de shubuhat à clarifier, inshallah. Donc le Cheikh il dit, pour continuer, وَمِمَّا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْوُضُوحِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ أَنَّهَا طَرِيقٌ مُخْتَصَرٌ لِإِيصَالِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ الدَّعْوِيَّةِ فعندما يتبين لهذا المجالس أو لهذا السامع أو لهذا القارئ فيصل إلى المراد بسهولة وبطريق مختصر. Donc une autre des choses qui caractérise la clarté dans la da'wa, c'est qu'elle raccourcit le fait qu'on arrive à transmettre ce message ou cette da'wa. Elle facilite le fait d'atteindre notre objectif et notre but. Et elle fait en sorte que la personne, lorsqu'on lui parle, lorsqu'on lui explique, elle comprend immédiatement de quoi on parle et qu'est-ce qu'on veut dire. وأيضا هذا الوضوح تجده شامل وكامل في جميع مناحي الحياة. وضوح في العقيدة وفي الطرح. إن أتى في الأسماء والصفات فإذا يثبت ما أثبته الله لنفسه. وينفي ما نفاه الله عن نفسه ويثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم دون تشبيه أو تمثيل أو تأويل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc le Cheikh il dit que tu vois que cette clarté dans la méthodologie, elle englobe tous les aspects de la vie. Dans la aqidah, c'est une clarté. Hein? Dans la présentation de cette aqidah, c'est une clarté. Lorsque tu arrives dans la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu affirmes ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même. Et tu nies ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est nié, hein, pour lui-même. Tu affirmes les attributs et les noms que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé, et tu nies les noms et les attributs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé. Que tu nies les attributs que Allah et son messager ont niés, yani, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu affirmes ce qui est affirmé et tu nies ce qui est nié. Ça c'est simple et c'est clair, Hein? C'est ça la voix des salafs à ce sujet-là. Et tu affirmes ce qui est affirmé sans faire de ressemblance entre le créateur et la créature, et sans faire de comparaison entre le créateur et la créature, et sans essayer de déformer le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour leur donner une autre signification qui est contraire à la réalité de qu'est-ce que ces attributs-là signifient. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 11 dans surat Shura, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, c'est-à-dire il n'y a rien comme lui, il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Wa in ata fi mas'alati al-ibadah fa idha bihi wadihun jaliyun la yara al-istighatha illa billah wa la yud'a illa Allah wa la yustashfa illa bih wa la yuhlafu illa bih wa la yunzaru illa kadhalik. وهكذا واضح في هذا الأمر لا تجده من أصحاب الشرك والتلون. Donc le cheikh il dit, lorsqu'il arrive dans la question de l'adoration, tu vois que encore là il est clair, hein, le musulman qui est sur cette voie, la voie des prophètes, la voie des salafs, il est clair. Tu le trouves pas en train de demander le secours ou appeler au secours autre que Allah. Tu le vois pas en train d'invoquer autre que Allah, comme les gens qui adorent les morts, ou qui adorent les tombes, ou qui adorent les saints, ou qui adorent les prophètes, ou qui adorent les messagers, ou qui adorent les anges, ou qui adorent les images, ou les croix, ou les statues, ou les arbres, ou les pierres, ou autres. Ils n'adorent que Allah, ils n'invoquent que Allah. Ils cherchent la guérison que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne jurent que par Allah, ils ne font des vœux que par Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Donc il est clair, dans les questions d'adoration, il est clair. Tu ne le trouves pas en train de faire comme les gens de shirk et les gens qui essaient de s'adapter aux environs, au contexte. Selon le contexte, il change de couleur. Il ne fait pas comme ça. وَإِنْ أَتَى إِلَى مَسَائِلِ الْاتِّبَاعِ فَإِذَا بِهِ حَرِيصٌ أَشَدَّ الْحِرْصِ على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سائل في هذا الأمر الشرعي فالله تبارك وتعالى يقول فاستقم كما أمرت فالأمر حيثما أتى واجب على المسلم الاستجابة بالوسع والطاقة فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أو فانتهوا. Le cheikh il dit que quand il vient aux questions, ou quand il arrive aux questions de al-ittiba, c'est-à-dire de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il fait tout son possible et tout son effort pour justement être parmi ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous les ordres qui sont révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat Hud, verset 112, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ, c'est-à-dire mets-toi sur la voie de la droiture. Sois droit, comme cela t'est commandé, comme cela t'est ordonné. Donc, du moment que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne quelque chose, ça devient obligatoire pour le musulman de répondre à cet ordre et de le faire selon sa capacité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que je vous ordonne, faites-en ce que vous êtes capable. Et ce que je vous interdis, alors écartez-vous-en. الشيخ الزي هكذا الوضوح في اتباعه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فهو واضح في دعوته واضح في مقصده قل هذه سبيلي فهو يدعو إلى الله أي إلى توحيد الله لا إلى غير الله لا إلى تنظيمات ولا إلى أحزاب ولا إلى طوائف ولا إلى فرق إنما يدعو إلى الله. Il dit le cheikh, et ensuite également il y a la clarté dans le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wa, sa façon de faire la da'wa et dans sa méthodologie. Comme Allah il dit dans le verset 108 dans sourate Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dis ô Muhammad à ces gens, voici ma voie, voici mon chemin, voici ma méthode. J'invite les hommes à Allah avec connaissance, avec basira. Moi ainsi que ceux qui me suivent, nous invitons tous à Allah. Moi ainsi que ceux qui me suivent. Et gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Qu'il soit purifié. Hein? Et je ne suis pas du nombre des mushrikin. Ça, c'est l'exemple de la clarté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wah et sa clarté dans son objectif. Dit, voici mon chemin, voici ma voie, j'invite les hommes à Allah, j'invite à Allah. Donc il invite à Allah, il invite au tawhid, à l'unicité d'Allah. Il n'invite pas à une autre divinité autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la da'wah commence par le tawhid, et c'est la base de la da'wah, et c'est la priorité dans la da'wah. Hein? Et il n'appelle pas à des groupes ou des organisations ou des partis ou des sectes. Il invite les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin, ay ala ilm. Faman laysa ala basiratin, fahuwa ala dalalin wa jahlin wa hayra. Mada yad'u ilayhi? Farqun bayna man takallama qabla an yata'allam wa man takallama ba'da an ta'allama. فهذا سيتكلم بما قد تعلم بالبيان والدليل الواضح الجلي فمن ليس عنده علم فهو ما بين قصص وما بين منامات وما بين خرافات وخزعبلات ماذا يقول للناس. Donc le cheikh il dit على بصيرة, c'est-à-dire que tu invites les hommes à Allah et au tawhid d'Allah على بصيرة, c'est-à-dire avec science. Avec science, avec connaissance, celui qui n'a pas de science, dans sa religion, il est dans l'égarement. Celui qui n'a pas de science, il est dans l'ignorance et il est dans la confusion. À quoi va-t-il appeler les gens? S'il n'a pas de science, à quoi va-t-il appeler les gens? Hein? Il y a une différence entre quelqu'un qui parle. Hein? Le cheikh dit, « Farqun bayna man takallama qabla an yata'allam, wa man ta'allama » Il y a une différence entre celui qui parle avant d'apprendre ou avant d'avoir appris et l'autre qui parle après avoir appris. Hein? Tu commences par étudier, après tu appelles à Allah. Si tu parles ou tu appelles les gens à quelque chose avant d'avoir étudié, à quoi tu vas appeler les gens? Le cheikh il dit, celui qui a appris avant de parler, il va parler avec science, avec clarification, avec preuve claire. Tandis que celui qui parle sans connaissance, qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Il va raconter des histoires pour divertir l'audience. Il va leur raconter toutes sortes de contes, des histoires pour les divertir. Ça s'arrête là. Hein? Comme certains individus, par exemple, Jamaat Tablir, qui n'ont pas étudié l'ilm, qui racontent des histoires aux gens. Ils racontent des histoires. Ils n'ont pas d'ilm. Ils n'ont pas étudié. Et eux-mêmes, ils le disent. On n'est pas des ulama. Et on n'a pas d'ilm. Et on ne vient pas pour vous apprendre. Ils le disent eux-mêmes. Donc, la da'wah, ça ne se fait pas par de l'ignorance. Ça se fait avec du ilm. Ça se fait avec des ulama. Ça se fait avec des tulab ilm. Des gens qui ont étudié la science. Pas avec des histoires. Pas avec des rêves que tu racontes, comme les soufis par exemple, qui basent leur religion sur les rêves de leurs chouyours. Qu'est-ce que son cheikh il a vu en rêve, c'est ça la religion pour lui. Hein? L'islam c'est pas basé sur les rêves. L'islam c'est basé sur le Coran et sur la sunna, et sur la compréhension des salafs de cette umma. Hein? Et non plus c'est pas basé sur des superstitions ou des histoires ou des choses de ce genre. Donc celui qui n'a pas d'elle, il se base sur ça. Il se base sur ces choses-là. Allah musta'an. Après le cheikh, il continue l'explication du verset. Ana wa man ittaba'ani. Idhan, hadha huwa al-wudouh. C'est ça la clarté. Fa'indama tara hadha al-da'i yad'u, thumma idha bihi yakhlut ashiya kathira. Hadhihi laysat da'watu sunniya. Donc il dit, moi ainsi que ceux qui me suivent, hein, il dit donc, ça c'est la preuve que chaque musulman qui a du ilm, il doit suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et inviter lui aussi à Allah subhanahu wa ta'ala, garde pas cette science-là pour lui tout seul. Il la propage, il invite les autres. Le cheikh il dit, je vais continuer à lire qu'est-ce qu'il explique, il dit, donc, عندما يقول شخص أنا دعوتي سلفية صوفية رياضية سياسية فإذا به يجمع التناقض وآخر يقول أنا عقيدتي سلفية وأبايع على الطريقة الجستية والسهروردية والقادرية والنقشبندية ماذا؟ ثم يقول أنا عقيدتي سلفية ومواجهتي ليست سلفية إنما هي عصرية. لماذا يهربون من أن تكون دعوتهم هذه دعوة نبوية سنية في سلوكها ومواجهتها وطرحها وبيانها؟ لأنهم لا يجدون في ذلك بغيتهم، لهم مقاصد تختلف عن هذه الطريقة، فهؤلاء طرحهم ليس واضح. ففرق بين من يقول أدعو إلى الله ومن يبدأ بغير ذلك. Donc le cheikh il explique, il dit voilà la clarté. Lorsque tu vois quelqu'un qui appelle, un da'ya, qui appelle les gens, qui mélange les choses, il mélange beaucoup de choses ensemble, tu vois que cette personne, elle ne suit pas la voie de la clarté. Ce n'est pas une da'wa qui est sunniya. Sa da'wa, elle n'est pas salafiya, elle n'est pas sunniya. Lorsque tu vois une personne, quand il te parle, par exemple, il dit, ma da'wa, c'est une da'wa salafiya, soufiya, riyadiya, siyasiya. Comme je vous ai mentionné ça hier, Hassan al-Banna, quand il décrivait sa da'wa et son groupe, et son organisation, il la décrivait en disant que notre organisation, c'est une organisation qui est salafiya, soufiya. Contradiction. Après, il dit que c'est une organisation salafiya, soufiya, riyadiya, c'est-à-dire sportive, et siyasiya, et politique, et plein d'autres choses encore comme ça. Donc, pourquoi il ramène plein de choses contradictoires comme ça? Parce qu'il veut plaire à tout le monde. Et il mélange des choses qui se contredisent. La bid'a et la salafia ensemble. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Mais étant donné que c'est un groupe établi sur des bases politiques et non religieuses, eh bien, pour eux, la aqida, étant donné que c'est pas le fondement de leur jama'a, ils acceptent des gens avec des divergences dans leur aqida, de toutes les tendances et de tous les mouvements. Et comme on a dit hier, on a expliqué leurs règles. C'est qu'on collabore entre nous sur les choses sur lesquelles on est d'accord et on s'excuse sur les divergences, sur les choses sur lesquelles on diverge. On s'excuse. Imaginez si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son époque avait dit cette règle à Quraysh. Imaginez si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était venu voir Quraysh. Il leur a dit, on va collaborer ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord, puis on va s'excuser sur les choses sur lesquelles on est en désaccord. On est en désaccord sur les idoles, on va s'excuser là-dessus. On est en désaccord sur l'adoration, on va s'excuser là-dessus. On est d'accord sur des aspects des valeurs universelles, on va s'unir là-dessus. Il n'y aurait pas eu de da'wah, et Quraysh, ils n'auraient pas eu de problème avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils auraient dit d'accord, continue, tu peux faire ce que tu veux. On va pas t'empêcher du moment que tu nous laisses nos idoles et que tu critiques pas nos idoles et que tu appelles pas au tawhid, on n'a pas de problème avec toi. C'est le contraire de la da'wa des prophètes. Donc c'est ça l'exemple. Ça c'est des contradictions. Un autre, il dit, moi ma aqida elle est salafia, sauf que je fais la bay'a. Je prends une allégeance à différents turq soufiya, comme le groupe de Jamaat Tablir. Le fondateur de Jamaat Tablir, Mohamed Elias Al-Kandahlawi, ils ont établi leur jama'at sur une bay'a, une allégeance à quatre turq soufiya. Al-Jistiyya, Al-Saharwardiyya, Al-Shaziliyya et Al-Qadiriyya et Al-Naqshbandiyya. C'est les quatre turq soufiya. Pourquoi? Parce que les turq soufiya là-bas, elles étaient toutes en guerre les unes contre les autres, toutes en train de se compétitionner les unes contre les autres. Et ils ont voulu s'unir contre la da'wa salafiya. Ils disent, il faut qu'on s'unisse, on arrête nos divisions, on s'unit entre nous les turq soufiya. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce qu'ils ont fait. Ils les ont toutes réunies pour en faire un groupe qui est Jamaat Tablir. Donc tu vas jamais entendre des gens de Tablir qui critiquent le tasawuf ou le soufiya, jamais. Et le fondateur même de Jamaat Tablir, il était de l'école qu'on appelle Diobandiya. Maintenant l'école Diobandiya c'est une école qui est basée sur le tasawuf. Et le ta'assub, le madhabi. le fait de s'accrocher fanatiquement au madhhab de Abu Hanifa, rahimahullah. Peut-être que dans d'autres régions du monde, dans le nord de l'Afrique, par exemple, dans le Maghreb, il y a des gens de Tablir, ils ne sont pas Hanafi, ils sont Maliki. Mais ils vont s'attacher justement au madhhab Maliki de cette façon-là, ou bien ils vont s'accrocher à une autre tariqa, Qadiriya ou autre. Ils ne vont pas critiquer le soufisme de toute façon, puis ils ne vont pas appeler à la aqida salafiya. Parce qu'ils évitent de parler de aqida, parce que pour eux ça divise les musulmans. Ils ne vont pas parler de tawhid parce qu'ils disent que pour eux ça divise les musulmans. Ils laissent tous ces sujets-là de côté. Donc la base de l'islam, ils la laissent de côté. Et ils se concentrent sur les choses qu'ils appellent eux comme étant les priorités, c'est-à-dire le bon comportement et des aspects de l'islam que tout le monde est d'accord, peu importe la tendance ou la secte qu'il suit, pour pas créer de divergence, pour accepter, pour amener tout le monde ensemble. Donc on va voir pourquoi ça c'est dangereux par la suite. Il y en a d'autres qui ont adopté une autre méthodologie. C'est la voie de ce qu'on appelle les sururi. Sururiya ou al-Qutbiya. Ou bien, on les appelle aussi des Qutbiya et Sururiya. Et, en tout cas, il y a d'autres noms comme, par lesquels on les appelle. Ça, c'est des gens qui ont essayé de mélanger la voix des Ikhwan, la voix de Hassan al-Banna et de Sayyid Qutb. Ils ont essayé de la mélanger avec la Aqida Salafiya. Et c'est ça ce qui se passe. Maintenant, vous voyez par exemple des gens qui sont saoudiens ou bien qui sont d'autres pays comme ça, qui sont, les gens, quand on les voit, on va penser que c'est des gens qui sont salafis dans leur aqida, dans leur manhaj. Ils vont parler de tawhid, ils vont parler de certains aspects de la sunna, ils vont critiquer certains aspects de bid'a, des choses de ce genre. Sauf que leur méthodologie, c'est la même que celle des Ikhwan dans les questions de qu'est-ce qui a rapport avec le manhaj en général. L'attitude qu'on adopte envers les gens de bid'ah, ils ont une autre méthodologie que celle d'Ahl Sunnah et Wal Jama'a. Ils ne vont pas critiquer les gens de bid'ah. Au contraire, ils vont les défendre. Et ils vont faire la guerre à ceux qui veulent les critiquer. Et ils se disent salafi. Ils vont défendre la démocratie, les révoltes, les coups d'État contre les dirigeants, les manifestations, et ils se disent salafi. Alors que ça, on sait que c'est tout contraire à la voie des salafs salih. Ils vont appeler même parfois aux élections, et des choses de ce genre. Et ils appellent à faire le takfir des dirigeants, et des choses de ce genre. Donc ça, c'est leur caractéristique. On les appelle sururiya à cause de Mohamed Zain Abidin Surour, un Syrien qui vivait en Arabie Saoudite, qui était avec les Ikhwan, puis qui a abandonné les Ikhwan, il a fait son propre groupe par la suite. Et là, il s'est installé en Angleterre depuis un certain nombre d'années, et il avait publié un magazine qui s'appelait As-Sunnah, et il propageait ces magazines-là un peu partout, et c'est cette tendance qui était propagée chez beaucoup de jeunes, un peu partout aussi dans différents pays, en Arabie Saoudite, et maintenant il y a d'autres aussi dans d'autres pays qui suivent cette voie-là, puis ici en Europe, puis au Canada, aux États-Unis, il y a la même tendance. Donc faites attention à des gens qui se disent parfois peut-être salafis, mais qui critiquent la salafia. Ils se prétendent salafis, mais ils disent aux gens il ne faut pas se dire salafis. Puis les premiers, ils sont les premiers à critiquer les salafis et à combattre les salafis. Et ils vont se taire au sujet des gens de bid'ah. Ils vont jamais critiquer les gens de bid'ah. Et parfois même, ils vont même appeler parfois au dialogue avec les koufars, et ils vont pas accepter qu'on dise, par exemple, que les juifs ou les chrétiens sont des koufars. Ils vont pas accepter ça. Donc ça, c'est des exemples de ces tendances-là. Ils disent, on accepte la aqida salafia, mais on veut l'adapter à notre époque, et utiliser les moyens modernes et contemporains pour affronter les défis de l'époque moderne. Ça, c'est cette tendance-là. Il dit pourquoi c'est. Le cheikh, il pose la question. Il dit pourquoi ces gens-là, ils veulent toujours s'enfuir de la da'wah des prophètes, et de la da'wah de la sunna, et de suivre la voie de la sunna, et d'affronter, dans son affrontement, ils veulent suivre autre que la voie des salafs dans la façon d'affronter les oppositions et dans la façon de présenter et de clarifier la da'wah. Pourquoi ils cherchent toujours à s'enfuir de la voie des salafs et de la voie de la sunna? Parce que dans la sunna, ils ne trouvent pas ce qu'ils recherchent. Ils ont compris que dans la sunna, avec la sunna, s'ils la suivent du début jusqu'à la fin, ils ne peuvent pas arriver à leurs objectifs. Alors ils sont obligés soit de prendre une autre voie complètement, ou bien d'essayer de mélanger deux voies. Une partie de la sunna, puis de la mélanger avec un peu d'égarement, pour essayer de satisfaire leur passion. Hein? Tandis que le salafi, le sunni, il ne peut pas mélanger la vérité et le faux. Il doit suivre la sunna au complet, du début jusqu'à la fin, sur sa voie. Hein? Donc c'est ça l'exemple que le cheikh il mentionne. Il dit, leurs objectifs et leurs buts sont en contradiction avec cette voie de la clarté. Et c'est pour ça que tu trouves que leur voie, elle n'est pas claire. Hein? Il y a une différence entre celui qui dit « j'invite à Allah subhanahu wa ta'ala » puis qui appelle à autre chose au début et qui débute par autre chose. Tu le vois qu'il ne parle pas, il n'explique pas, il n'enseigne pas le tawhid aux gens. Il laisse les gens faire qu'est-ce qu'ils veulent. Il laisse les gens suivre ce qu'ils veulent. Il ne les corrige pas dans leurs adorations et dans leurs croyances et dans leurs principes et dans leurs manhaj. Ils ne disent rien là-dessus. Comme je disais hier, ils commencent par des choses autres. Des sujets autres. Ils vont parler de choses générales, soi-disant pour dire on va attirer les gens. Et une fois qu'ils les ont attirés, qu'ils les ont gagnés, là ça y est, ils les amènent dans leur voie d'égarement. وَهَكَذَا كَانَ الْوُضُوحُ مِنْهَاجُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِحٌ حَتَّى فِي طَرْحِهِ مَعَ النَّاسِ وَتَعَامُلِهِ تَأْتِي الْجَارِيَةُ فَيَقُولُ لَهَا أَيْنَ اللَّهُ فتقول في السماء فيقول من أنا فتقول رسول الله أنت رسول الله فيقول لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة هكذا الوضوح وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم الشيخ يقول regardez la clarté. La clarté, c'était la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même dans sa façon de présenter l'islam et la aqida aux gens, et dans sa façon d'agir avec eux. Une jeune esclave est amenée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui demande, « Où est Allah ? Où est Allah ?» Et elle répond, « Dans le ciel, fils sama. » Hein? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création, dans les cieux. Hein? Et donc, il lui demande, « Et qui suis-je ? » Et elle répond, « Tu es le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Alors, il dit à son maître, au maître de cette esclave, « Libère-la, car c'est une croyante. Libère-la, car c'est une croyante. » Vous voyez la simplicité et la clarté dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les sahaba étaient aussi clairs dans leur présentation et dans leur voix, ils suivaient l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la même manière. ومواقف الوضوح في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومن ذلك ما قاله للخارجي الذي قال له يا محمد اعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله قال ويلك إن لم أعدل فمن يعدل يخرج من ضئضئ هذا الإشارة إلى من غائب ولا حاضر وضوح أليس هذا حكم على شخص بعينه يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم انظروا معشر الإخوة الكرام التحذير واضح والبيان لا مجال لتفسيرات أخرى فيه فهو سهل الوصول للمراد بخلاف بعض المتلونة الذي تجد الكلام فيه يحتمل 5, 6, 7 معاني والكل يأخذ المعنى الذي يريد كأنما لا يريد أن يقبض عليه شيء أو لا يكون له موقف واضح. Donc le cheikh il explique, il dit regardez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu de nombreuses positions dans la da'wah qui ont été d'une clarté qui nous montre la clarté qu'on doit adopter dans notre da'wah. Regardez l'exemple de ce khariji, Dhul Khuwaysira, lorsqu'il s'est présenté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit, Ya Mohammed, ô Mohammed, sois juste, parce que ça c'est une une distribution des biens qui, par laquelle on n'a pas voulu le visage d'Allah. C'est-à-dire la façon dont tu as distribué le butin, tu n'as pas voulu le visage d'Allah dans cette façon de distribuer le butin et de le séparer. Il est en train d'accuser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'être malhonnête, de ne pas être juste, de ne pas être, hein, de ne pas vouloir le visage d'Allah, c'est-à-dire de ne pas être sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, malheur à toi, si moi je ne suis pas juste, qui d'autre sera juste? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en désignant cet individu-là, hein, personnellement, il lui a dit, de cette personne, hein, de cette personne, il va sortir un peuple, ou il va sortir des gens, dont vous allez, hein, qui vont faire que vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière. Donc, on voit, le cheikh il dit, on voit ici la clarté, qu'il a fait un verdict au sujet d'un individu, en particulier en le désignant directement. Puis il dit, de cette personne, il va sortir des gens, vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière. Il dit, regardez comment il nous met en garde et comment il nous avertit d'une façon claire qui ne laisse pas d'espace pour différentes interprétations. Hein? Tu peux pas l'interpréter d'une autre façon. Tu peux le comprendre d'une manière claire et simple et facile. Contrairement à certaines personnes aujourd'hui qui veulent changer de couleur selon leur contexte ou selon devant les gens vers qui, à qui ils s'adressent. Et tu vois que tu peux trouver à leurs paroles 5 ou 6 ou 7 différentes significations. Ils s'adressent à des gens, ils parlent, et quand tu as terminé de l'écouter et d'entendre sa conférence, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Et tu ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'il veut dire non plus. Il laisse les choses de façon ambiguë et vague. Hein? Chacun, il prend la signification qu'il veut de qu'est-ce que la personne a dit. Hein? Comme si en réalité il ne veut pas se faire attraper sur une chose, alors il fait en sorte que sa parole soit vague et floue pour qu'on ne soit pas capable de justement savoir sa position de façon claire. Donc le cheikh il dit قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم ثم بدأ يذكر عبادات. أيها الإخوة، إذا أردنا أن نضرب المثل بالصلاة الصحيحة والعبادة الخاشعة وأنواع من العبادات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نمثل بمن؟ بالصحابة رضي الله عنهم. وهنا يقول تحقرون هذه العبادات عند هؤلاء، من هم؟ الخوارج. هذه العبادات بالممارسة، بالممارسة الصحابة يحقرون أنفسهم أمام هؤلاء لشدة ما يكون في هؤلاء في الظاهر من التخشع والخشوع، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح كلاب النار لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد، وقتل عاد انتقاء وإلا إبادة. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمر لأن يبيدوا هؤلاء الخوارج. Donc le cheikh il dit, oh mes frères, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il va sortir de cet homme des gens, vous allez mépriser vos prières par rapport à leurs prières, vous allez mépriser leur jeûne par rapport à votre jeûne, vous allez mépriser votre récitation du Coran par comparaison à votre récitation du Coran. Hein? Le prophète sallam il a énuméré un nombre d'adorations de ce genre. Il a dit ils récitent le Coran, ils vont réciter le Coran, mais ça ne va même pas dépasser leur gorge. Hein? Il a dit, oh mes frères, si on veut donner un exemple pour montrer la bonne façon de faire la salat, ou bien la concentration et l'humilité dans la salat, ou dans les différentes adorations. Après l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on donne l'exemple de qui? On donne l'exemple des sahaba. Ce sont eux l'exemple de l'humilité et de ceux qui suivent l'exemple de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous allez mépriser, c'est-à-dire, il parle aux sahaba, il dit aux sahaba, vous les sahaba, vous allez mépriser votre salat par rapport à la salat des khawarij. Hein? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est des gens, en apparence, ils ont beaucoup de dévotion dans leur prière, dans leur jeûne, dans leur récitation du Coran, en apparence, ils ont beaucoup de dévotion, beaucoup d'humilité, beaucoup de concentration, hein? Mais ils n'ont pas d'ilm, ils n'ont aucune compréhension de l'islam, hein? Et ils pensent qu'ils connaissent mieux l'islam que les sahaba, et ils pensent qu'ils comprennent mieux l'islam que les sahaba, et même qu'ils sont allés jusqu'à combattre les sahaba par la suite, et à égorger les sahaba, en pensant que c'était le djihad qu'il faisait. C'est-à-dire, il tuait le djihad, il tuait les sahaba, il pensait que c'était un djihad. Subhanallah. Quand ils égorgeaient les sahaba, ils pensaient qu'ils se rapprochaient d'Allah en le faisant. Ils pensaient qu'ils gagnaient des hasanat, qu'ils se rapprochaient du paradis en le faisant. Donc ça, c'est pas l'égarement absolu, c'est pas l'égarement total. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils comprenaient mieux le Coran que les sahaba, ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont appris l'islam directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'exemple des khawarij aujourd'hui qui font le takfir des ulama, qui font le takfir des dirigeants, qui font le takfir des musulmans en général, hein? Puis qui pensent qu'ils comprennent mieux l'islam que les savants de l'islam. Que les savants de l'islam ne comprennent rien. C'est eux qui ont compris. Ils ont appris dans leur cave, ils ont appris devant l'internet, et ils comprennent mieux l'islam que les ulama de l'islam, qui ont passé 40, 50, 60 ans de leur vie à apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, hein, c'est pas grave pour eux. Allah al-musta'an. Ou bien d'autres, par exemple, qui ont passé leur vie à faire des doctorats en génie ou en médecine, qui ont des doctorats en sciences ou en d'autres domaines, puis qui pensent qu'ils comprennent mieux l'islam que les ulama de la charia. Il y a plein de ces catégories-là maintenant qu'on voit aujourd'hui. Donc, malgré leur apparence et malgré l'effort qu'ils font dans le fait de montrer l'humilité et la dévotion dans leurs adorations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit en toute clarté au sujet de ces gens-là, au sujet des khawarij? Il a dit, ce sont les chiens de l'enfer. Il a dit à leur sujet, ce sont les chiens de l'enfer. Kilab al-Nar. Vous retrouvez ce hadith qui est authentique dans As-Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim. Hein? Et il a dit dans une autre narration d'un autre hadith, لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. C'est-à-dire, si je les aurais rencontrés, ces gens-là, je les aurais exterminés comme on a exterminé le peuple de Ad. De la même manière. Hein? Et le cheikh, il dit, et le peuple de Ad, est-ce qu'il a juste été comme ça, puni, sélective, ou bien ils ont tous été exterminés, du premier au dernier? Ils ont tous été exterminés, sans exception. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner le succès aux dirigeants pour qu'ils exterminent ces khawarij. Hein? Amin. Donc le cheikh il dit ensuite فَإِذَنْ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْجَانِبَ الْوَاضِحِ الْجَلِي بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ اِخْتَرَّ الصَّحَابَ بِأَفْعَالِ الْخَوَارِجِ أَوْ بِعِبَادَاتِ الْخَوَارِجِ أَوْ بِزُهْدِ الْخَوَارِجِ إِذَنْ الْعِبْرَةُ لَيْسَتْ بالنحيب والبكاء واللطم هذه التخشعات وهذه الأشياء التي تظهر في أنواع التعبدات إنما العبرة بماذا؟ بصحة الاعتقاد إنما المنهج النبوي إنما هو باتباع المنهج النبوي العبرة بهذا فقط بصحة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء وليس في شيء دون شيء وفرق بين أن تخص ذلك بلحظة أو بزمان أو بيوم أو بليلة ومن أن تجعل اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في مأكلك ومشربك وفي ملبسك وفي سفرك وفي إقامتك وفي ذهابك وفي إيابك وفي ليلك وفي نهارك وفي شرائك وفي شرائك وفي بيعك وفي طريقة تعاملك وفي طريقة لباسك وفي حذائك وفي وضوئك وفي صلاتك وفي زكاتك وفي حجك وفي سلوك جميع ما تفعل من صباحك إلى ليلك كل حياتك أجمع. هذا هو حقيقة الاتباع. هذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لحظة أو يوم أو ليلة، وإنما هو صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المحبة الحقيقية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Donc le cheikh il dit, regardez mes frères, regardez mes frères cette explication et cet aspect clair. Est-ce que les sahaba après le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont laissés tromper ou éblouir par ou impressionnés par l'adoration des khawarij quand ils les ont vus? Est-ce qu'ils se sont laissés impressionner ou tromper par leur démonstration ou leur apparence de piété et leur dévotion dans l'adoration et par leurs actions? Pas du tout. Au contraire. Donc, il dit, qu'est-ce qu'on prend comme en considération? C'est pas juste le fait de montrer qu'on pleure, ou qu'on est en train de crier ou pleurer ou de, toutes sortes d'autres choses de ce genre pour montrer notre dévotion. Il y en a parfois, Allah musta'an, et ça c'est une des méthodes des gens de Hizbiyya ou des gens de Bid'a parfois, de montrer leur dévotion pour attirer les gens ou pour montrer qu'ils sont pieux, pleurer devant les gens ou des choses comme ça. Parfois ça se peut que ce soit sincère, mais parfois ça se peut que ce soit forcé, que les gens ils font ça juste pour attirer les gens. Allah musta'an. Donc c'est pas ça qu'on doit prendre en considération. Qu'est-ce qu'on prend en considération? C'est la croyance qui est propre, qui est correcte, une bonne aqidah, et un manhaj qui est le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on suit correctement. Et c'est seulement ça qu'on doit prendre en considération. La façon dont tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être une façon correcte dans tous les aspects de ta vie et non pas dans un aspect plus qu'un autre. C'est-à-dire tu dois suivre dans tout et non pas dans certains aspects seulement. Et c'est pas juste dans un moment ou une période, ou dans un jour ou dans une nuit. Tu dois suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout et en tout temps. C'est pas comme certains par exemple qui prennent certaines périodes pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'en ai vu par exemple des gens comme ça qui sortent avec tablir, par exemple jamat tablir, 3 jours ou 40 jours ou 4 mois ou 3 ans ou des choses comme ça. Après, quand ils sont plus avec eux, s'ils s'en vont, ils peuvent plus pratiquer l'islam en dehors de leur contexte, parce qu'ils ont été pieux ou religieux dans un environnement artificiel. Quand ils sortent de cet environnement-là, ils sont plus capables de s'accrocher. Et tu les vois qui retombent facilement à leur péché ou au mode de vie qu'ils suivaient auparavant. Pourquoi? Parce que c'est pas basé sur des bases solides. C'est basé juste sur des sentiments et sur une atmosphère seulement. Donc ça c'est très important, que ton adoration ne soit pas juste limitée par une période ou par un temps, mais que ce soit quelque chose qui englobe tous les aspects de ta vie, dans ta façon de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ta façon de manger, de boire, de te vêtir, de voyager, quand tu es en voyage ou quand tu es résident, quand tu pars, quand tu reviens, dans ta nuit, dans ton jour, dans ta façon que, qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que tu vends, dans ta façon d'interagir avec les gens, dans tes vêtements, dans tes souliers, dans tes chaussures, dans ton wudu, dans ta salat, dans ta zakat, dans ton hajj, dans tous les aspects de ta vie, dans ton comportement, depuis ton matin jusqu'à ton soir, dans toute ta vie en entier, dans toute ta vie au complet, tu dois suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une façon complète et réelle. C'est pas juste une période ou un jour ou une nuit ou des choses de ce genre. Hein, tu dois être sincère et véridique dans ta façon de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça la vraie amour. Le cheikh il mentionne le verset 31 dans surat Al-Imran dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dis, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi. Si vous aimez réellement Allah, suivez-moi et il va vous aimer et il va vous pardonner vos péchés. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. » وهذا الوضوح هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته واستعرض شيئا من ذلك على عجل لأن هناك إضافة لموجهنا وموجه دعاة المدينة وهو بل هو موجه موجه طلبة العلم في كثير بل الكثير يستفيد منه وليس على مستوى المدينة والمملكة بل في العالم في العالم وهو شيخنا الشيخ صالح السحيمي وفقه الله تعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا الوضوح انظروا موقف أبي بكر مع المرتدين حصل ما حصل فإذا بعمر رضي الله عنه يكون له موقف ماذا كان موقف أبي بكر رضي الله عنه موقف واضح والله لو كان عقال لو كان عقال لقاتلتهم عليه وهذا الوضوح تأتي بعده المواقف والنتائج الحميدة. Donc le cheikh il dit, c'est ça la clarté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons. Là le cheikh il va énumérer un certain nombre d'exemples de positions claires qui ont été adoptées par les sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je vais donner quelques exemples rapidement comme ça parce que à la fin il y a un commentaire de la part de celui qui est responsable d'orienter les du'at à Médine et il oriente beaucoup de tullab ilm et c'est pas seulement ceux de Médine qui profitent de lui et c'est pas seulement ceux de l'Arabie Saoudite mais également dans le monde entier hein, parce que le cheikh c'est Cheikh Salih al-Suhaymi et Cheikh Salih al-Suhaymi il est connu mondialement parce qu'il a orienté et formé et enseigné à des élèves du monde entier à l'université islamique de Médine. Hein? Donc c'est un des grands parmi les mashaykhs actuellement et un de nos ulama parmi les ulama de la da'wah salafiyya. Et à la fin de cette conférence du cheikh, il y a un commentaire de Cheikh al-Suhaymi que, inshallah, on va lire ensemble, bi'ithnillah. Donc il donne, pour commencer, comme exemple, l'exemple de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Il dit, regardez comment les sahaba ont appris cette clarté dans leur compréhension de l'islam. Regardez la position de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu vis-à-vis des apostats. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un groupe d'entre les arabes qui ont apostasé de l'islam, soit parce qu'ils avaient cru Musaylama, ils ont suivi Musaylama al-Kadhab, le faux prophète, ou bien parce qu'ils avaient refusé de donner la zakat. Hein. Et il y a eu des divergence entre Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma à ce sujet-là, au sujet de qu'est-ce qu'on doit faire avec ces gens-là. Et Omar a dit, on peut pas les combattre parce que ce sont des gens qui disent la ilaha illallah. Et Omar ibn Khattab lui a dit, non, parce que la ilaha illallah, elle vient avec des droits. Hein? Et la zakat, la salat et la zakat font partie des droits de la ilaha illallah. Donc si quelqu'un refuse de la payer, eh bien, il a manqué au droit de la ilaha illallah et donc il doit être combattu. Et il a dit même avec conviction que par Allah, il jure par Allah que s'il refusait de donner une corde qu'il donnait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait les combattre jusqu'à ce qu'il le donne. Hein? Et ça c'est l'exemple de la clarté hein, qui par la suite a ramené des positions et des résultats louables hein, de la part de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Wa Omar radiallahu anhu مواقفه كثيرة ولكن مما يتداول موقفه مع من؟ مع صبير فماذا صنع به؟ ولما خرج الخوارج بعد ذلك أتوا إلى صبير فقال الأمر قد زال وقد أدبني العبد الصالح الشيخ يضن الإجزام دي عمر بن الخطاب إلى سا position avec. Il y a plusieurs positions de ce genre qui montrent la clarté dans son manhaj, mais il y a un exemple de position qui est bien connue, c'est qu'est-ce qu'il a fait avec Sabir ibn Asal. Sabir ibn Asal, c'est un homme qui qui, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, avait l'habitude de poser plein de questions sur des choses qui sont mutashabihat dans le Coran. Il posait des questions sur des choses qui n'étaient pas fondamentales dans la religion. Et il négligeait les bases et l'apprentissage des choses de base dans la religion. Donc il posait des questions sur des mots dans le Coran que lui ne connaissait pas, ou bien des fois il connaissait, mais juste pour polémiquer comme ça. Alors Omar ibn al-Khattab a entendu parler de cet homme. Il a demandé qu'on l'amène. L'homme est venu, Omar ibn al-Khattab, il l'a pris, il dit, c'est toi qui s'appelles Sabir? Il a dit, oui, c'est moi. Il a dit, mais moi je m'appelle Omar ibn al-Khattab. Et il a pris des feuilles de palme et il a commencé à le frapper avec. Et il l'a enfermé. Le lendemain, il a fait la même chose. Il a frappé sur la tête avec. Et le troisième jour, la même chose. L'homme a dit, après le troisième jour, oh, ya Omar, si tu veux me tuer, tue-moi. Mais si tu voulais, mais le problème que j'avais dans ma tête, ça y est, il est parti maintenant. Alors, le prophète Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il l'a exilé, c'est-à-dire il lui a ordonné de s'en aller dans une autre ville. Et il a interdit, il a donné l'ordre que personne ne s'assoie avec lui, c'est-à-dire que personne ne lui parle. Et par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme a commencé à apprendre sa religion avec les ulama, avec les gens de sciences de sa région. Et on dit qu'il est devenu un d'entre les ulama par la suite. Eh bien, tout ça, c'était à cause justement de l'éducation et de la punition que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu lui avait donné. Et quand les Khawarij sont sortis contre les Sahaba, ils sont venus voir Sabir pour essayer de l'amener avec eux. Et Sabir, il a dit, non, moi je ne sors pas. Le serviteur pieux, il m'a bien éduqué. Il m'a donné une bonne éducation, ça y est, je ne veux pas sortir avec vous, je ne veux rien savoir. Donc ça c'est des exemples. Il dit, « Wa mawqifu Uthman wadihun ma'al khawarij lamma kharaju wa ataw. Wa mawqifu Ali ibn Abi Talibin kathalik. Wa mawqifu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum wadihun jaliyun indama ata ila ashab al-hilaq. » Donc on va s'arrêter ici, inshallah, pour cette partie. La prochaine conférence qui suit après, c'est la conférence du frère Hassan, Inch'Allah. Donc il va continuer avec son sujet. Et puis après Hassan, Inch'Allah, ce sera la suite. On va continuer une autre partie de cette conférence ensemble, Inch'Allah. Puis on va donner d'autres exemples des positions des Sahaba vis-à-vis par rapport à la clarté qu'ils avaient dans leur manhaj et comment ils ont suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces différents exemples-là. Donc, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.